Ja, det lyder det. Bon, ça vient à vous. Ça pape vite en machin. Hein. Arrête un peu, là, mon loup. Ouais, je vais chuter. Arrête un peu. Oh, ah, ouais. T'as vu quand on rigole? Non, mais t'as vu ta petite fille? Eh, moi, je t'ai pas fait. T'as vu ta petite fille comment elle assure, non? J'ai pas fait, moi, ça. Qu'est-ce que tu dérange? Je t'ai pas fait, ça. Attends, je prends une photo. Quand j'arrive plus. Voilà. Ah, voilà. Ça y est, arrivé. À toi, à droite, bon bout. J'ai pas eu la langue. Bon, tu regardes ce qui va pas bien et ce qui va pas. Ah non, mon avis, ce qui va pas, ce qui va pas bien, c'est plus rien. Y aller, là, c'est bien. C'est bien. Bon, on va descendre tranquille. Oui, vas-y. Attention, on peut. Je viens pas me le casser le deuxième fois. Faut pas regarder ses pieds. On dirait les monos. Voilà. Et si je ferme la porte, c'est sûr de revenir. Ça balance? Je balance pour vous. Bien, Marie. Allez. Bah, qui c'est qui balance? Bah, personne, hein, c'est toi. Allez. Une demoiselle sur une balance. C'est vous qui te faites balancer. Ouais, c'est pas moi, hein. Mets tes pieds en travers. Ah, non.